des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 13 mai 1913, alors qu'il vient d'achever Totem et Tabou, Freud écrit à son ami Ferenczi. Depuis la science des rêves, je n'ai jamais travaillé à rien avec autant de conviction et de joie. L'accueil sera le même, une tempête d'indignation. Le fondateur de la psychanalyse voyait juste. La publication du livre, un an avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, fit polémique et marqua également le moment de la rupture avec le médecin zurichois Carl Gustav Jung. En 1963, dans les 23e et 24e épisodes d'une série de 28 émissions consacrées à la vie et l'œuvre de Freud, Marthe Robert présentait le contenu de cet ouvrage et la façon dont les années du premier conflit mondial furent aussi pour Freud celles d'une guerre particulièrement âpre au sein du mouvement psychanalytique. Première diffusion sur France Culture, les 8 et 15 juin 1963. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique, une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jean-Louis Calvet, René Farabet, Robert Favard, Jean Muselli, dans Totem et Tabou. Il n'est pas de domaine où Freud ait le plus risqué sa réputation scientifique que celui de la psychologie religieuse, où la curiosité intellectuelle, aussi bien que la logique de sa recherche, le portèrent plusieurs fois à s'aventurer. Totem et Tabou, L'avenir d'une illusion, Moïse et le monothéisme sont les trois moments de cette aventure compromettante qui, jugée inadmissible par ceux-là même qu'elle concernait, croyants, théologiens, anthropologues, lui fit perdre une partie de ses troupes et reste aujourd'hui encore un point épineux pour une certaine lignée de psychanalystes freudiens. Freud était strictement athée et, nous l'avons dit en parlant de sa jeunesse, ses convictions d'adolescent s'exprimaient parfois dans des démonstrations un peu théâtrales où l'on peut déceler une réaction contre l'éducation religieuse de son enfance. Jacob Freud, son père, n'était pourtant pas un homme pieux au sens où l'entend un judaïsme de stricte observance, mais il tenait à la Bible, et c'est de lui que Freud avait reçu cette connaissance intime du livre saint dont on retrouve tant de traces dans son œuvre. C'est peut-être aussi grâce à sa tolérance et à ses idées humanistes que son fils put devenir un croyant sans traverser de graves crises et tout naturellement convertir la foi en intérêt intellectuel pour les questions religieuses. Il est permis de penser que Freud a pu puiser partiellement dans sa connaissance du ritualisme juif les idées qu'il exprime dès 1907 dans Actes obsessionnels et pratiques religieuses, où il compare certains actes individuels et collectifs des cérémonies religieuses avec ce qu'on appelle le cérémonial des obsédés. Qu'il relève d'une névrose obsessionnelle ou de prescription religieuse légale, l'acte rituel procède d'une contrainte intérieure, d'une compulsion qui entraîne avec elle la crainte d'un malheur ou d'un châtiment, sanctionnant l'omission ou l'accomplissement incorrect du rite. L'idée d'une nécessité impérieuse à quoi il faut satisfaire, sous peine de sanctions automatiques, est la même dans les deux cas. Mais pour l'obsédé, elle reste strictement individuelle et ne s'accomplit que dans l'intimité, tandis que le croyant la partage avec la masse des fidèles. Les deux conduites ont en commun un sentiment très fort et inconscient de culpabilité. Elles diffèrent toutefois en ceci que dans l'une, le refoulement porte principalement sur les tendances sexuelles, alors que dans l'autre, il s'exerce surtout sur les tendances égoïstes et agressives, dangereuses pour la société. Freud résume la comparaison en disant que si le névrosé obsessionnel semble se faire quelque chose comme une religion à son propre usage, la religion peut être qualifiée de névrose obsessionnelle, engageant la généralité. Cet article était bien loin d'épuiser la question. Freud n'en a pas poursuivi l'idée comme on aurait pu s'y attendre, en approfondissant par exemple la psychogenèse des grandes religions historiques ou des mythologies de l'Antiquité, domaine où il ne manquait pas de connaissances. Pour de multiples raisons, dont l'une tenait peut-être à la virtuosité de Jung dans l'analyse des mythes et des symboles religieux, il est allé chercher des concordances dans le secteur le plus obscur et le plus fascinant de l'anthropologie, le totémisme. Le goût de Freud pour ce sujet, alors très en vogue et tout à fait neuf dans la littérature psychanalytique, avait trouvé un aliment de choix dans l'ouvrage monumental de Fraser, Totemism and Exogamy, dont les quatre gros volumes, publiés en 1910, faisaient sensation dans les milieux savants. Dans les innombrables faits rapportés par Fraser sur les cultes totémiques et les étranges rapports qu'il suppose ou crée entre l'homme et l'animal, Freud trouva aussitôt quelque chose de connu. Il en avait rencontré de tout semblable dans les phobies infantiles liées à la crainte immotivée d'un animal, dans le cas du petit Hans, par exemple, qui, à maint égard, traitait le cheval comme le primitif son totem. La phobie de l'animal, qui, dans des cas rapportés par Abraham et Ferenczi, s'attachait parfois à un arbre ou à un quelconque objet inanimé, était-elle le modèle psychique de cette stupéfiante conception du monde où l'anthropologie voyait alors l'origine de toutes les cultures humaines existantes? Pour la genèse et la psychogenèse des religions, la question valait évidemment la peine d'être posée. Comme à son habitude, Freud se plongea avec impatience dans la lecture des ouvrages spécialisés. Jones, qui n'était pas sans compétence en matière d'anthropologie, semble avoir été son conseiller technique. Il envoya à Freud les travaux importants, mais sa liste n'était pas exhaustive et Freud travailla sur des auteurs semblablement orientés sans pressentir que la notion même de totémisme, si fort attaquée depuis, était déjà diversement contestée. Du reste, cet indispensable travail préparatoire l'excitait, l'exaspérait tout ensemble. Comme à l'époque de la science des rêves, il s'impatienta de devoir absorber tant de littérature indigeste avant d'exposer lui-même ses idées. 2 mois après avoir commencé sa compilation, en 1911, il écrivait à Ferenczi « Rien ne me satisfait là-dedans, et je me trouve dans l'état physique et mental qui m'est habituel pendant un travail intérieur intense, ou plutôt pendant la préparation de celui-ci. C'est une sorte de souffrance. Je suis rarement productif quand je me sens bien. Je lis, et tout cela fermente. Vais-je aboutir à quelque chose? Je n'en sais rien. » Une lettre à Jones, datée du même jour, dit la même impatience. Une grande quantité de choses bouillonnent dans ma tête, mais elles n'en sortent que très lentement et je continue à trouver dur de me conformer complètement aux pensées d'autrui. Je ne puis tout faire par moi-même, et la part des autres, de Jung par exemple, a la plus grande importance. Je travaille d'arrache-pied à la psychogénèse des religions et me retrouve sur la même piste que les métamorphoses de Jung. En janvier 1912, il a terminé le premier chapitre consacré à la peur de l'inceste chez les peuples primitifs. Le mois suivant, il communique à Jones le plan général de l'essai. « Mon travail sur la peur de l'inceste n'est pas du tout fameux, mais les autres chapitres seront peut-être bien meilleurs. Le deuxième a pour titre « Tabou et ambivalence ». Il nous révélera, j'espère, l'essence de cet étonnant tabou. Il est à moitié rédigé et même terminé dans ma tête. Le troisième chapitre n'a pas encore de forme précise. Il s'appellera « Magie et toute puissance des pensées ». je considère ces trois chapitres comme les précurseurs d'un autre plus important que je me propose d'appeler « Retour infantile du totémisme ». Je me suis procuré tous les livres que vous m'avez indiqués, Crowley, Burke, rite scatologique, Hartland, paternité, Pearson, grammaire de la science, de sorte que je n'ai pas besoin de vous importuner en vous demandant de m'en expédier un de Toronto. Je possède même maintenant l'Encyclopédie britannique. C'est en avril 1913 qu'il commença le quatrième chapitre de l'essai, ce retour infantile du totémisme, où il expliquait l'origine de la religion et de la société par le meurtre du père primitif, et qui, pour diverses raisons, ligua contre lui la grande majorité des spécialistes. En recherchant les concordances entre la vie psychique des primitifs et celle des névrosés, c'est là le sous-titre de l'ouvrage, il arrivait à une conclusion dont il semble lui-même quelque peu effaré. Je rédige lentement la quatrième de mes concordances, celle sur le totémisme qui doit clore cette série. C'est la plus osée des entreprises dans lesquelles je me sois jamais lancé. Sur la religion, la morale, equibus de malis. Que Dieu me vienne en aide. Freud ne soupçonnait pas du tout que son totem allait prendre une tournure polémique et précipiter la crise qui, depuis quelque temps déjà, était imminente entre lui et Jung. Au début, en effet, il croyait se retrouver sur la piste de son élève. Mais à mesure que son travail avançait, il se rendit compte que le meurtre originel du père, tel qu'il le reconstituait, en s'appuyant sur une thèse de Darwin, empêcherait toute tentative de conciliation si même il ne provoquait pas la rupture. Ses lettres à Jones, Abraham et Ferenczi le montrent tour à tour pénétré de la valeur de son travail et saisi tout à coup d'obscurs scrupules. D'abord, il est sûr de son fait. Tout va bien quant à la rédaction de l'œuvre. J'écris en ce moment le totem avec l'impression que ce sera mon plus important, mon meilleur et peut-être mon dernier bon travail. Quelque chose en moi me dit que j'ai raison. Malheureusement, le temps dont je dispose pour travailler est très réduit, c'est pourquoi je me vois sans cesse obligé de me replonger dans l'état d'esprit nécessaire, ce qui nuit à mon style. Depuis la science des rêves, je n'ai rien écrit avec autant de conviction. Je puis donc prédire le destin réservé à cet essai. Les mêmes sentiments ressortent d'une lettre à Ferenczi datée du 13 mai 1913, jour où l'ouvrage est enfin terminé. Depuis la science des rêves, je n'ai jamais travaillé à rien avec autant de conviction et de joie. L'accueil sera le même, une tempête d'indignation, excepté de la part de mes proches. Dans ma controverse avec Zurich, ce livre vient juste à point pour nous diviser, comme par l'effet d'un acide sur le sel. À cette exaltation succède, comme si souvent chez Freud, une période de dépression et de doute qui modifie complètement son opinion. Il est si troublé qu'il envoie les premières épreuves du livre à trois de ses élèves en leur demandant leurs suggestions sur l'épineuse dernière partie. Jones a raconté comment Ferenczi et lui-même étaient parvenus à l'apaiser. Ferenczi et moi lûmes ces épreuves ensemble à Budapest et tous les deux nous écrivîmes à Freud dans le même sens. Nous lui suggérâmes qu'il avait vécu en imagination l'effet réel décrit dans le livre. Son exaltation figurait, disions-nous, l'excitation causée par le meurtre du père et le fait de le manger. Ses doutes en étaient une simple réaction. Quand je le rencontrai quelques jours après lors d'un séjour à Vienne, je lui demandai comment il se faisait que l'auteur de la science des rêves pût maintenant douter de la sorte. Il répondit avec sagesse. C'est qu'alors je parlais du désir de tuer le père et que maintenant je décris le fait réel. Après tout, il y a un grand pas à franchir entre le désir et l'acte. Le 30 juin 1913, nous célébrâmes l'événement en offrant à Freud sur le Constantinhügel, au Prater, un dîner que nous qualifiâmes de repas totémique. Loé Kahn lui donna une figurine égyptienne dont il fit son totem. Ce n'est pas sans raison que Freud rapproche Totem et tabou de La science des rêves, ce livre dont la pensée imprègne toute son œuvre et dont il avait fait son propre guide. Les deux ouvrages sont bien de la même lignée. L'un et l'autre portent le double cachet de l'expérience concrète et de l'imaginaire que Freud admirait tant chez les poètes. L'un et l'autre témoignent d'un esprit incapable de repos, refusant même les commodités légitimes de l'âge. Âgé de 57 ans, parvenu à la notoriété après combien de luttes et de sacrifices, Freud remet tout en cause par un retour sur soi qui l'effraie lui-même, comme si le meurtre primordial dont il a eu la vision était vraiment sa propre faute. Cette participation intense au drame originel qu'il imagine, c'est elle qui fait tout le prix du livre. L'essai, nous l'avons dit, se compose de quatre parties inégalement développées, les plus longues étant le tabou et l'ambivalence des sentiments et ce retour infantile du totémisme qui est jusqu'à présent le plus généralement contesté. Dans le premier chapitre, Freud traite de la prohibition de l'inceste, la seule de toutes les institutions humaines qui soit absolument universelle et qui, chez les peuples primitifs, a un caractère si contraignant qu'elle détermine toute l'organisation sociale et enferme les moindres actes dans un réseau complexe d'interdits. Si l'inceste est prévenu et défendu par un système aussi compliqué et aussi rigide, c'est, note-t-il, que la tentation en est plus forte chez le primitif que chez l'individu des cultures évoluées. À cet égard, le primitif pourrait se comparer au névrosé qui, pour se préserver de violentes tentations inconscientes, se forge des phobies et d'autres symptômes ayant pour lui la valeur de tabou. Dans le tabou et l'ambivalence des sentiments, Freud relève l'ambivalence du mot tabou, mot qui n'a plus d'équivalent dans nos langues, mais correspond assez bien, par exemple, au sacer des Romains ou au kadosh des Hébreux. Le tabou est autonome. On ne lui donne ni motivation rationnelle, ni justification morale ou sociale. Il représente quelque chose comme notre impératif catégorique, la seule loi, dit Freud, dont nous ayons une connaissance immédiate. Et ces violations entraînent des sanctions rigoureusement automatiques. De telle sorte que le tabou violé se venge seul à plus ou moins bref délai. Ces caractères des tabous primitifs offrent des ressemblances précises avec la symptomatologie des obsédés, qui manque elle aussi de motivation consciente, découle d'une nécessité intérieure impérieuse, possède une aptitude à se déplacer et à contaminer d'autres personnes, et enfin comprend l'accomplissement de certains rites destinés à annuler le mal redouté. Cependant, la ressemblance la plus profonde entre les névrosés et les primitifs réside dans l'ambivalence des sentiments, autrement dit, dans une hostilité inconsciente à l'égard d'êtres chers ou particulièrement respectés. En élevant d'insurmontables barrières rituelles entre lui et ses chefs, ses prêtres, ses seigneurs, ses ancêtres, le primitif donne libre cours à cette ambivalence affective qu'on trouve à l'œuvre dans toute névrose, car en isolant les hauts personnages sous prétexte de les protéger, il se protège lui-même comme s'il les jugeait dangereux et, à force d'adoration et de respect, se venge d'eux en leur faisant une existence intenable. Les mêmes sentiments de crainte, de haine et d'amour mélangés expliquent l'attitude des primitifs à l'égard de la mort, les rites funéraires et le culte des défunts. Le troisième chapitre de Totem et Tabou se tient étroitement aux idées de l'époque sur l'animisme et la magie, idées abandonnées par la plupart des ethnologues modernes, pour qui ces deux phénomènes ont perdu, en tout cas, leur caractère premier. Freud admet que la pensée animiste et magique est à l'origine de toutes les conceptions religieuses ultérieures et qu'elle obéit au mécanisme appelé par un de ses malades la toute-puissance des idées. Cette toute-puissance, qui est en réalité celle du désir, repose chez le névrosé, comme chez le primitif, sur une estimation exagérée des actes purement psychiques et, par là, se rattache à cette phase narcissique du développement de la libido où le sujet ne porte pas son amour sur un objet, mais sur lui-même, sur son corps et sur sa propre pensée. La pensée sauvage offre à Freud l'occasion de préciser la notion de narcissisme ou, comme il dit, de narcisme, qu'en 1914, il introduira en quelque sorte officiellement dans la théorie. Nous dirons que chez le primitif, la pensée est encore très fortement sexualisée, d'où la croyance à la toute-puissance des idées. D'où aussi la conviction qu'il est possible de dominer le monde, conviction maintenue malgré les expériences pourtant faciles à faire qui renseignent l'homme sur sa place exacte dans l'univers. D'un côté, nous retrouvons dans la nature du névrosé une bonne part de cette attitude primitive. D'un autre côté, nous constatons que la répression sexuelle qui chez lui a eu lieu a déterminé une nouvelle sexualisation de ses processus intellectuels. Les effets psychiques doivent être les mêmes dans les deux cas de transformation libidineuse de la pensée, c'est-à-dire aussi bien quand la transformation est primitive que lorsqu'elle résulte d'une régression. Ces effets apparaissent dans le narcissisme intellectuel et la toute-puissance des idées. S'il est vrai que la toute-puissance des idées chez les primitifs fournit un témoignage en faveur du narcissisme, nous pouvons essayer d'établir un parallèle entre le développement des conceptions du monde et celui de la libido individuelle. Nous trouvons alors qu'aussi bien historiquement que par son contenu, la phase animiste correspond au narcissisme. La phase religieuse, au stade d'objectivation caractérisé par la fixation de la libido aux parents, tandis que la phase scientifique a son pendant dans cet état de maturité où l'individu renonce à la recherche du plaisir et subordonne son choix amoureux aux convenances et aux exigences de la réalité. L'art est le seul domaine où la toute-puissance des idées se soit maintenue jusqu'à nos jours. Dans l'art seulement, il n'arrive qu'un homme tourmenté par des désirs obtienne quelque chose comme une satisfaction. Et, grâce à l'illusion artistique, ce jeu produit les mêmes effets affectifs que s'il s'agissait de quelque chose de réel. C'est avec raison qu'on parle de la magie de l'art et qu'on compare l'artiste à un magicien. Mais cette comparaison est peut-être encore plus significative qu'elle le paraît. L'art, qui n'a certainement pas débuté en tant que l'art pour l'art, se trouvait au début au service de tendances qui sont aujourd'hui éteintes pour la plupart. Il est permis de supposer que parmi elles se trouvaient bon nombre d'intentions magiques. Le retour infantile du totémisme passe généralement aux yeux des spécialistes pour une fiction ingénieuse et séduisante à quoi l'on ne peut reconnaître aucune valeur scientifique. Là, de fait, Freud abandonne le terrain clinique où il se tient encore dans la première partie du chapitre pour se lancer dans une hypothèse aventureuse dont il développe les conséquences avec beaucoup de rigueur, sans toutefois pouvoir prouver ses prémices. Il y est conduit en tâchant de résoudre le problème crucial qui reste une énigme pour l'anthropologie. Trouver les raisons qui, un jour, ont motivé la prohibition universelle de l'inceste et, depuis, pèsent si lourd sur le destin de l'homme. Freud résume d'abord les définitions du totémisme qu'il a trouvées principalement dans les ouvrages de Fraser, de Salomon Reinach et dans la psychologie des peuples de Wundt. Toutefois, il ne s'arrête qu'au caractère du totémisme animal. Alors que le totem peut être à peu près n'importe quoi, une plante, un élément, un objet inanimé ou un quelconque phénomène naturel, c'est qu'il adopte pour l'essentiel le point de vue de Fraser et la formulation de Wundt, selon laquelle les totems n'étaient primitivement que des animaux et étaient considérés comme les ancêtres des tribus. Il admet aussi que la principale prohibition portait sur le meurtre et la consommation de cet ancêtre animal, avec, comme corollaire, l'interdiction pour les membres d'un même totem de contracter mariage entre eux, autrement dit, l'exogamie. À vrai dire, les vues sur le totémisme étaient alors et sont encore en partie extrêmement confuses. Freud ne s'en embarrasse pas trop, ayant pour dessein non pas de proposer une nouvelle théorie, mais d'éclairer les données psychologiques du phénomène, en se fondant sur l'expérience clinique de l'analyste, par la façon dont il identifie l'homme avec l'animal et la sorte de terreur sacrée dont le totem est l'objet. Le totémisme évoque, en effet, pour le psychanalyste, les étranges zoophobies infantiles qu'il rencontre parfois dans sa pratique. Après avoir rappelé le petit Hans, Freud cite celui d'Arpade, appelé le petit homme coq, dont la belle observation a été rapportée par Ferenczi. Un jour qu'il était à la campagne, le petit Arpade, âgé de 2 ans et demi, voulut uriner dans le poulailler et eut la verge mordue ou happée par une poule. Étant retourné dans le même endroit l'année d'après, Il s'imagina être lui-même une poule. Ne s'intéressa qu'au poulailler et à tout ce qui s'y passait, cependant qu'il échangeait son langage humain contre le piaillement et le gloussement de la basse-cour. À l'époque de l'observation, il avait alors 5 ans, il avait recouvré son langage, mais ne parlait que de poules et autres volatiles. Il ne connaissait aucun autre jouet et ne chantait que des chansons où il était question de volatiles. Son attitude à l'égard de son animal totem était nettement ambivalente, haine et amour démesurés. Son jeu préféré était le combat de poules, après quoi il se mettait à embrasser et à caresser l'animal tué, à nettoyer et à couvrir de baisers les poules qu'il avait lui-même maltraitées. Le petit Arpane prenait soin de ne laisser aucun doute sur le sens de sa bizarre attitude. À l'occasion, il savait transposer ses désirs en remplaçant leur mode d'expression totémique par le langage vulgaire. « Mon père est le coq », dit-il un jour. « À présent, je suis petit, je suis un poussin, mais quand je serai plus grand, je serai une poule et, plus grand encore, un coq. » Une autre fois, il voulut manger de la mer confite, par analogie avec le confit de poulet. Le petit homme coq, qui ne voulait pas seulement manger sa mère, mais l'épouser, et tuer son père sous l'espèce de coq voué au sacrifice, ouvrait de nouvelles perspectives à la recherche psychanalytique, en rétablissant le chaînon manquant entre les 2 commandements majeurs du totémisme. Si l'animal totémique n'est autre que le père, nous obtenons en effet ceci, les 2 commandements capitaux du totémisme, les 2 prescriptions taboues qui en forment le noyau, à savoir l'interdiction de tuer le totem et celle d'épouser une femme appartenant au même totem que soi, coïncident, quant à leur contenu, avec les 2 crimes d'Édipe qui a tué son père et épousé sa mère, ainsi qu'avec les 2 désirs primitifs de l'enfant dont le refoulement insuffisant ou le réveil forme peut-être le noyau de toute névrose. Si cette ressemblance n'est pas un jeu du hasard, elle doit nous permettre d'expliquer la naissance du totémisme aux époques les plus reculées. En d'autres termes, nous devons pouvoir rendre vraisemblable le fait que le système totémique est né des conditions du complexe d'Édipe, tout comme la zoophobie du petit Hans et la perversion du petit Arpane. Freud continue sa démonstration en s'appuyant d'une part sur l'idée du sacrifice, telle qu'elle est développée par Robertson Smith dans La religion des Sémites, et d'autre part sur une hypothèse de Darwin touchant les mœurs de la horde humaine primitive. D'après Robertson Smith, l'ancien sacrifice s'accompagnait d'un repas rituel dans lequel les membres du clan se partageaient la chair de l'animal, compagnon du dieu ou dieu lui-même. La consommation de l'animal donnait lieu à des manifestations et à des fêtes solennelles, au cours desquelles les tabous étaient rituellement violés. Smith y voit une forme évoluée du repas totémique, dans lequel, à l'origine, l'animal sacrifié et mangé était tenu pour un membre du clan. Quant à l'hypothèse de Darwin, elle est tout à fait étrangère au problème du totémisme. Elle suppose simplement l'existence d'une horde humaine primitive, analogue à celle des grands anthropoïdes, dans laquelle la jalousie du mâle le plus âgé et le plus fort empêchait toute promiscuité sexuelle. Cette horde, à l'état de nature, était imaginée selon les modèles des bandes de gorilles. D'après ce que nous savons de la jalousie de tous les mammifères, nous pouvons conclure en effet qu'une promiscuité générale des sexes à l'état de nature est extrêmement peu probable. Mais si remontant le cours du temps assez loin en arrière, nous jugeons les habitudes humaines d'après ce qui existe actuellement, la conclusion paraissant la plus plausible est que les hommes ont vécu primitivement en petites sociétés, chaque homme ayant généralement une femme, parfois, s'il était puissant, plusieurs femmes, qu'il défendait jalousement contre les autres hommes. Lorsque le jeune mâle a grandi, il entre en lutte avec les autres pour la domination. Et c'est le plus fort qui, après avoir tué ou chassé tous ses concurrents, devient le chef de la société. Les jeunes mâles, ainsi éliminés et errant d'endroit en endroit, se feront à leur tour un devoir, lorsqu'ils auront enfin réussi à trouver une femme, d'empêcher les unions consanguines trop étroites entre les membres d'une même famille. C'est en combinant la théorie de Smith sur le sacrifice et celle de Darwin sur la horde originelle que Freud se crut en droit de reconstituer l'événement décisif, non plus psychologique cette fois, mais historique, à quoi les civilisations ultérieures durent leurs croyances, leurs lois et les formes de leur société. Le caractère quelque peu fantaisiste d'une pareille hypothèse ne lui échappait pas. Il tint cependant à la maintenir parce qu'elle rétablissait une continuité entre des séries de phénomènes décrites jusque-là sans lien. L'organisation la plus primitive que nous connaissions consiste en associations d'hommes jouissant de droits égaux et soumis aux limitations du système totémique, y compris l'hérédité en ligne maternelle. Cette organisation a-t-elle pu provenir de celle que postule l'hypothèse darwinienne et par quels moyens a-t-elle été obtenue? En nous basant sur la fête du repas totémique, nous pouvons donner à cette question la réponse suivante. Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d'eux pris individuellement aurait été incapable de faire. Il est possible qu'un progrès de la civilisation, l'invention d'une arme nouvelle, leur ait procuré le sentiment de leur supériorité. Qu'ils aient mangé le cadavre de leur père, il n'y a à cela rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de sauvages cannibales. L'aïeul violent était certainement le modèle envié et redouté de chacun des membres de cette association fraternelle. Or, par l'acte de l'absorption, il réalisait leur identification avec lui, s'appropriait chacun une partie de sa force. Le repas totémique, qui est peut-être la première fête de l'humanité, serait la reproduction et comme la fête commémorative de cet acte mémorable et criminel qui a servi de point de départ à tant de choses, organisation sociale, restriction morale, religion. Pour trouver vraisemblables ces conséquences, en faisant abstraction de leurs prémices, il suffit d'admettre que la bande fraternelle en état de rébellion était animée à l'égard du père des sentiments contradictoires qui, d'après ce que nous savons, forment le contenu du complexe paternel chez chacun de nos enfants et de nos malades névrosés. Il haïssait le père, qui s'opposait si violemment à leurs besoins de puissance et à leurs exigences sexuelles, mais tout en le haïssant, ils éprouvaient pour lui amour et admiration. Après l'avoir supprimé, après avoir assouvi leur haine et réalisé leur identification avec lui, ils ont dû se livrer à des manifestations affectives d'une tendresse exagérée. Ils le firent sous la forme du repentir. Ils éprouvèrent un sentiment de culpabilité qui se confond avec le sentiment du repentir tel qu'il est communément ressenti. Le mort devenait plus puissant qu'il l'avait jamais été de son vivant. Toute chose que nous constatons aujourd'hui encore dans les destinées humaines. Ce que le père avait empêché par le seul fait de son existence, les frères se le défendaient à présent eux-mêmes en vertu de cette obéissance rétrospective caractéristique d'une situation psychique que la psychanalyse nous a rendue familière. Ils désavouèrent leur acte en prohibant la mise à mort du totem substitut du père et renoncèrent à recueillir les fruits de cet acte en refusant les rapports sexuels avec les femmes qu'ils avaient libérées. C'est ainsi que le sentiment de culpabilité du fils a engendré les deux tabous fondamentaux du totémisme qui, pour cette raison, devaient se confondre avec les deux désirs réprimés du complexe d'Édipe. Celui qui agissait à l'encontre de ces tabous se rendait coupable des deux seuls crimes à quoi la société primitive était intéressée. En ce sens donc, le meurtre du père était une duperie, puisque les frères, pour apaiser les discordes qui s'en suivirent entre eux, durent renoncer à cela même qui avait motivé leur révolte. D'un autre côté, le remords des fils suscita une institution d'un niveau plus élevé, destinée à empêcher le retour de semblables forfaits et aussi à entretenir un perpétuel désir de réconciliation avec le père jadis sacrifié. Culpabilité, renoncement, nostalgie, le totémisme est né de ce mélange inextricable de sentiments qui, pour Freud, font la substance même des religions. Des traits ont alors apparu qui resteront désormais attachés à toute religion, quelle qu'elle soit. La religion totémique a résulté du sentiment de culpabilité des fils. C'était une tentative pour étouffer ce sentiment et obtenir par une obéissance rétrospective la réconciliation avec le père offensé. Toutes les religions ultérieures ne sont qu'autant de tentatives de résoudre le même problème, tentatives qui varient selon l'état de la civilisation où elles sont nées, et ne diffèrent que par la direction qu'elles ont suivie pour trouver cette solution. Mais toutes représentent des réactions contre le grand événement par quoi la civilisation a débuté et qui, depuis lors, n'a cessé de tourmenter l'humanité. Totem et Tabou reçut l'accueil que Freud avait prévu. Mais cette fois, les critiques n'étaient pas tous de mauvaise foi ni systématiquement hostiles. Le livre, en effet, était irrecevable pour les anthropologues. D'une part, à cause de sa méthode peu scientifique et de ses nombreuses inexactitudes. D'autre part, parce qu'il passait arbitrairement de la psychologie à l'histoire, ce qui, vu l'ignorance totale où l'on est des faits en cause, le soustrayait à toute réfutation comme à toute preuve. Toutefois, les spécialistes eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Certains changèrent même sensiblement d'opinion au cours des années, tel Kreuber, qui, en 1919, condamna l'ouvrage pour ses erreurs et son peu de fondement scientifique, et, 20 ans plus tard, revint en grande partie sur son jugement. D'une manière générale, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître dans le scénario du parricide primordial non pas l'événement historique que Freud suggère, sans trop y insister du reste, mais un mythe, l'un de ces rêves dont la psychanalyse a justement découvert la vérité et l'importance pour une connaissance profonde de l'homme. Comme le dit Claude Lévi-Strauss dans « Les structures élémentaires de la parenté », « Totem et tabou » est sans doute un roman, mais un roman plus vrai en un sens que ne le serait le simple fait d'histoire. On a dit et redit ce qui rend Totem et tabou irrecevable comme interprétation de la prohibition de l'inceste et de ses origines. Gratuité de l'hypothèse de la horde des mâles et du meurtre primitif, cercle vicieux qui fait naître l'état social de démarches qui le supposent. Mais, comme tous les mythes, celui que Totem et tabou présentent avec une si grande force dramatique comporte deux interprétations. Le désir de la mère ou de la sœur, le meurtre du père et le repentir des fils, ne correspondent sans doute à aucun fait ou ensemble de faits occupant dans l'histoire une place donnée. Mais ils traduisent peut-être sous une forme symbolique un rêve à la fois durable et ancien. Et le prestige de ce rêve, son pouvoir de modeler à leur insu les pensées des hommes, proviennent précisément du fait que les actes qu'il évoque n'ont jamais été commis, parce que la culture s'y est toujours et partout opposée. Les satisfactions symboliques dans lesquelles s'épanche, selon Freud, le regret de l'inceste, ne constituent donc pas la commémoration d'un événement, elles sont autre chose, et plus que cela. L'expression permanente d'un désir de désordre, ou plutôt de contre-ordre. Les fêtes jouent la vie sociale à l'envers, non parce qu'elle a jadis été telle, mais parce qu'elle n'a jamais été et ne pourra jamais être autrement. Les caractères du passé n'ont de valeur explicative que dans la mesure où ils coïncident avec ceux de l'avenir et du présent. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique, une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jean-Louis Calvet, René Farabet, Robert Favard, Jean Muselli, dans Totem et Tabou. Prise de son, Sam Nevisky. Collaboration technique, Monique Brenner. Assistante, Marie-André Armino. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 8 juin 1963. Tout de suite, le 24e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, 25e émission, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Les années de guerre. La petite guerre qui couvait depuis 1910 au sein du mouvement psychanalytique précéda de peu la grande, puisque la dissidence principale éclata en 1914, d'abord en avril, quand Jung abandonna la présidence de l'Association internationale, puis en août, quand il quitta définitivement l'organisation, entraînant avec lui la plupart de ses compatriotes. Longtemps nourri par des antipathies de race et de nationalité, les hostilités dans ce coin retiré de la science furent comme l'annonce ou la minuscule répétition de celle qui, quelques jours plus tard, allait embraser l'Europe. Freud s'était résigné à perdre Jung comme ami, mais tenait à le garder comme allié dans une lutte commune pour la cause. Il ne comprit son illusion qu'en 1913, en constatant que ses travaux l'éloignaient de plus en plus de ce qu'il appelle dans une lettre la psychologie des Aryens. Dès ce moment, il renonça à ménager l'adversaire et, au lieu d'atténuer les incompatibilités, résolut de les montrer maintenant en pleine lumière. Cette nécessité de dégager son chemin de tout ce qui commençait de l'encombrer engagea Freud dans une nouvelle réflexion sur quelques points litigieux qui, vu l'imprécision en quelque sorte native de la terminologie psychanalytique, étaient effectivement susceptibles de diverses interprétations. C'est pour les préciser qu'il écrivit sa contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, essai qui détermina le départ de Jung, puis au début de 1914, l'introduction de la notion de narcissisme, qui fut pour ses disciples immédiats une petite révolution. En fait, tout tournait autour du concept de libido, à quoi Freud voulait absolument garder son sens strict d'énergie sexuelle, alors qu'Adler en faisait une force au service de la vie sociale et que Jung l'étendait si démesurément qu'elle devenait l'énergie en soi, quelque chose comme le moteur de la vie universelle. La libido était ainsi en grand danger de se dissoudre, d'autant plus que, selon Jung, Freud lui-même, dans le cas du président Schreber par exemple, avait pris le mot dans une acception très élargie. Il devait dire maintenant s'il maintenait le mot dans son sens étroit ou s'il consentait à une extension qui eût réconcilié avec la libido bien des esprits réfractaires à ses idées. Freud maintint la libido comme il l'avait toujours conçue, mais au prix d'une importante révision théorique qui ne laissa pas d'apporter le trouble autour de lui. Jung, en effet, avait conclu de ses travaux sur la démence précoce et les psychoses que, dans ses affections, la libido qui se retire massivement de tous les objets extérieurs ne se distingue plus de l'ensemble de l'énergie psychique, de sorte qu'elle perd toute valeur spécifique. Cela pouvait paraître vrai si l'on s'en tenait à l'opposition fondamentale entre les instincts du « moi » ou instinct de conservation, et les instincts sexuels mus par une énergie propre et orientée vers des buts bien à eux, étrangers ou même hostiles au moi. le conflit, qui, dans les névroses dites de transfert, éclatait entre ces deux catégories d'instincts, ne pouvait exister dans les psychoses, où, au contraire, le moi malade faisait refluer sur lui toute la libido qu'il retirait au monde. Il fallait donc, ou bien admettre avec Jung, que la libido n'était rien d'autre qu'une énergie psychique indifférenciée, ou bien concevoir le moi lui-même comme doué d'une énergie et de propriétés sexuelles, ce qui abolissait la dualité des instincts. Freud évita ces deux extrémités en introduisant dans la théorie le concept de narcissisme qu'il avait déjà utilisé accessoirement dans d'autres travaux, en particulier dans Le Président Schreber, où l'on voit la tendance homosexuelle aboutir au retournement « Je n'aime rien ni personne, je n'aime que moi ». Et dans Totem et tabou, où la fantastique surestimation du moi commune à tous les primitifs explique la toute-puissance des idées, et par là, la magie. Tel qu'il est décrit dans l'essai de 1914, le narcissisme ne change pas de sens, mais prend une place inattendue dans la théorie. Le mot de narcissisme est emprunté à la clinique psychiatrique. Selon Freud, il est dû à Necke. Selon Jones, à Havelock Ellis, qu'il appliqua à une perversion assez analogue à celle du Narcisse de la fable grecque, mort de s'aimer trop lui-même. Toutefois, le narcissisme n'est pas seulement une tendance morbide, car si on le trouve dans la mégalomanie des aliénés ou dans l'attention que l'hypochondriaque prête à son propre corps, il est aussi hautement développé chez les enfants, les malades gravement atteints, les vieillards, et même les relations amoureuses normales n'en sont pas exemptes. De sorte que Freud, en suivant ces différentes formes dans la santé et la maladie, peut en faire le commencement et comme le modèle de tout amour. Ainsi se dessine une nouvelle opposition, qui ne joue plus cette fois entre le moi et la sexualité, mais à l'intérieur de la libido elle-même, laquelle est qualifiée de narcissique quand elle reste fixée ou se reporte sur le moi du sujet, ou dite objectale, quand elle s'épanche au dehors et s'attache à un objet, autrement dit à autrui. Néanmoins, cette nouvelle distinction ne supprime pas la première, car Freud, bien qu'il affirme l'existence d'un moi libidinal inconcevable dans l'ancienne théorie, tient à garder au sexe et au moi leur caractère d'antinomie. Le paradoxe théorique est patent, mais il ne tente pas sérieusement de le réduire. Il se contente de l'écarter provisoirement en invoquant les preuves cliniques massives fournies tant par la psychologie normale que par la pathologie. Il y avait là pour son école un grave sujet de trouble, car la nouvelle polarité introduite par le narcissisme semblait exiger un remaniement complet de la théorie. Ce trouble se sent encore dans l'exposé que Jones en fait plus de 20 ans après la publication du livre. La raison qui m'a fait qualifier de troublant l'essai de Freud sur le narcissisme, la voici. C'est que ce travail a asséné un coup bien désagréable à la théorie des instincts sur quoi jusque-là la psychanalyse s'appuyait. Les observations sur lesquelles se fondait la nouvelle conception du narcissisme étaient si nettes, si aisément vérifiables, que nous devions les accepter sans réserve. Mais nous nous rendîmes immédiatement compte qu'il y aurait lieu de modifier la théorie à laquelle nous étions habitués. En effet, si le moi lui-même se trouve investi de libido, il s'ensuit que nous devons considérer sa caractéristique la plus remarquable, l'instinct de conservation, comme un élément narcissique de l'instinct sexuel. Les adversaires de la psychanalyse ont toujours négligé une moitié des conflits sur quoi Freud voulait attirer l'attention, d'où l'accusation de tout réduire au sexe et de ne voir dans le psychisme que la sexualité. Un fait, il est vrai, semblait leur donner raison. À cette époque, la plupart des découvertes de Freud appartenaient au domaine des pulsions sexuelles refoulées, un très petit nombre à l'autre moitié du psychisme. Cependant, Freud aurait aisément pu répliquer que l'essentiel à ses yeux était le fait d'un conflit entre les deux moitiés. Mais voilà que le moi lui-même devait être considéré comme libidinal. Les critiques n'avaient-ils pas raison en dénonçant la tendance de Freud au pansexualisme? Et qu'était-il advenu de son fameux conflit? Il est exact que les psychonévroses, son principal champ d'investigation, pouvaient toujours être regardés comme des conflits, cette fois entre la libido narcissique et la libido objectale. Mais cela signifiait-il que le conflit entre deux formes d'instinct sexuel fut le seul ? Qu'il n'exista aucune autre source de conflit dans le psychisme ? Ces questions, et d'autres semblables, agitaient nos esprits au moment où la guerre éclata, et Freud ne put nous fournir de réponse qu'après la fin des hostilités. La réponse se trouve effectivement dans l'une des conférences que Freud tint à Vienne pendant les années de guerre et qui ne furent publiées qu'en 1917 comme une introduction à la psychanalyse et aux principaux points de sa théorie. Dans l'exposé ayant pour titre « La théorie de la libido et le narcissisme », Freud coupe court aux discussions en admettant que le narcissisme est le complément libidinal de l'égoïsme propre à l'instinct de conservation, ou plus exactement, que le « moi » se compose de deux tendances, l'une narcissique et partant sexuelle, l'autre égoïste et conservatrice, dont les buts peuvent, selon les cas, coïncider ou s'opposer. De la tendance narcissique dérive l'idéal du « moi », image exemplaire tout intérieure à quoi le « moi » s'efforce de ressembler afin de rétablir ce contentement de soi-même, ce sentiment de perfection qu'il tirait jadis de son narcissisme infantile et à quoi l'existence adulte inflige de si cruels démentis. On a souvent noté que la pensée de Freud est foncièrement dualiste, au point de fuir tout ce qui pourrait concourir à une conception de l'unité. Toujours, ces concepts vont par paires opposées, génératrices de conflits. C'est le conscient et l'inconscient, les instincts du moi et les instincts sexuels, le principe de plaisir et le principe de réalité, plus tard, le moi et le ça, et pour finir, l'instinct de vie et l'instinct de mort, couple antithétique en quoi se résument toutes les oppositions et qui, une dernière fois, renverse la théorie. Est-ce une coïncidence ou un reflet du déterminisme psychique à quoi la pensée logique elle-même est soumise? La doctrine de la libido passe par trois étapes qui sont aussi pour Freud trois phases essentielles de la vie. La première, où l'idée de la sexualité domine, s'impose à lui dans la force de l'âge. La deuxième, avec le rôle primordial du narcissisme, au moment de ce repliement sur soi qui annonce la vieillesse. La troisième, enfin, où la mort triomphe de la vie, coïncide avec une période de deuil cruel, de torture physique due à une maladie incurable, et, pour le vieux savant, redevenu solitaire, avec le sentiment de son propre déclin. L'essai sur le narcissisme représente aussi sans doute l'un de ces moments de solitude qui se répètent sans cesse dans la vie de Freud, et culmine tantôt dans de spectaculaires ruptures, tantôt dans de brusques revirements idéologiques, tantôt dans des calamités imprévisibles comme les guerres ou la maladie. La solitude était une étrange fatalité pour cet homme, qui l'a détesté et l'a provoqué peut-être en partie, et qui, malgré l'amour des siens, l'attachement fanatique de ses disciples et même la gloire, dut finalement s'y résigner. Venant après ses ruptures avec Breuer et avec Fliss, le départ de Jung devait l'affecter plus qu'il ne pouvait le laisser paraître. Non seulement il menaçait l'unité et l'avenir du mouvement, mais il le rejetait dans le cercle solitaire qu'il avait eu tant de mal à rompre 15 ans auparavant. C'est pour prévenir ce risque que Jones, prévoyant que les choses tourneraient mal avec Jung et que Freud, dans l'avenir, serait sans doute exposé plus d'une fois à des épreuves du même genre, conçut dès 1913 l'idée d'un comité secret composé d'un petit groupe d'analystes dignes de confiance, unis par une étroite solidarité et une foi solide dans leur tâche. Ce comité formerait autour de Freud une sorte de vieille garde qui le réconforterait en cas de nouvelles dissensions, répondrait à sa place aux critiques, puisqu'il répugnait à le faire, et l'aiderait de maintes façons dans l'accomplissement de ses travaux. Jones ne voyait qu'une clause à cet étrange contrat. Nous n'aurions à nous engager que sur un seul point. Si l'un d'entre nous décidait de rejeter l'un des principes fondamentaux de la psychanalyse, par exemple le concept du refoulement, de l'inconscient, de la sexualité infantile, etc., il promettait de ne pas le faire publiquement avant d'avoir discuté de la question avec les autres. L'idée d'un tel groupe n'avait naturellement pas surgi d'un seul coup dans mon esprit. Je pensais au précédent des paladins de Charlemagne, histoire que je connaissais depuis mon enfance, et je me rappelais les nombreuses sociétés secrètes citées dans la littérature. Ferenczi approuva entièrement ma suggestion, que je soumis alors à Otto Rank. J'écrivis aussi à Freud à ce sujet. Rank fut naturellement d'accord, mais un fait curieux, que je n'oubliais pas, advint au cours de l'entrevue. Ferenczi, avec sa franchise coutumière, demanda à Rank s'il pensait rester toujours fidèle à la psychanalyse. Cette question, posée à un ami aussi dévoué à Freud que l'était alors Rank, me parut blessante. Ce dernier eut quelque embarras à trouver une réponse adéquate. Je mentionne le fait car, par une étrange coïncidence, ces deux hommes devaient l'un et l'autre, au cours des années ultérieures, être les seuls à ne pas respecter la règle que nous nous étions imposée de nous consulter entre nous. Freud adopta aussitôt le projet avec enthousiasme et répondit à Jones par retour du courrier. Ce qui s'est imposé immédiatement à moi, c'est l'idée d'un conseil secret composé des meilleurs et des plus dignes de confiance d'entre nos amis. Ils surveilleraient le développement futur de la psychanalyse et défendraient notre cause contre les gens et les accidents lorsque je n'y serai plus. Je sais qu'il y a quelque chose d'enfantin et peut-être même un élément romantique dans cette conception, mais sans doute pourrait-elle être modifiée pour s'adapter aux exigences de la réalité. Je vais donner libre cours à mon imagination et vous laisser le rôle de censeur. J'avoue que vivre et mourir me deviendrait plus facile si je savais qu'une telle association existe pour veiller sur mon œuvre. Et tout d'abord, l'existence, comme l'action de ce comité, devrait rester absolument secret. Il se composerait de vous, de Ferenczi et de Rank, puisque c'est chez vous tous que l'idée a germé. De Sachs, en qui j'ai une confiance sans limite, malgré le peu de temps que je le connais, et d'Abraham, que nous appellerons ensuite, mais seulement si vous y consentez tous. Il vaut mieux que je sois laissé en dehors de vos décisions et de vos engagements. Il va sans dire que je vous garderai le secret le plus absolu et que je recevrai avec reconnaissance tout ce que vous me communiquerez. Je ne ferai pas la moindre allusion à tout ceci, même auprès de Ferenczi, avant d'avoir reçu votre réponse. Quoi qu'il advienne, le futur chef du groupe psychanalytique pourrait bien émerger de ce groupe restreint, mais choisi, où je suis déjà prêt à mettre ma confiance en dépit des récents déboires que m'ont causé les hommes. Le comité, appelé à l'existence par des nécessités pratiques autant que par les fantasmes infantiles de ses membres, se réunit pour la première fois le 25 mai 1913 et, en cette occasion solennelle, Freud offrit à chacun des cinq une intaille grecque prise dans sa collection. Les adeptes la firent monter en chevalière, comme tous ceux qui, par la suite, reçurent le précieux anneau. Avec la bague de Freud lui-même et celle que reçut Max Eitingen quand, en 1919, il devint le sixième membre du groupe, il y eut en tout sept anneaux, tels qu'on les voit reproduits sur le livre de Hans Sachs, Freud, le maître et l'ami. En fait, d'autres personnes privilégiées semblent avoir joui de la même faveur sans appartenir au comité. Ainsi, Anna Freud, qui continua l'œuvre de son père et à qui Jones a dédié sa biographie, et l'écrivain allemand Arnold Zweig, qui, paraît-il, porte aujourd'hui encore l'anneau prestigieux. Le comité entra en fonction avant la déclaration de guerre, mais il n'eut guère le temps de faire ses preuves car dès 1914, ses membres furent dispersés aux quatre coins de l'Europe et ses activités interrompues. Jones était anglais, Ferenczi hongrois, Abraham allemand, seul Otto Rank et Hans Sachs étaient viennois. Et avant d'être mobilisés, ils purent rester quelque temps auprès de Freud qui, autrement, eût été complètement isolé. La guerre prit tout le monde au dépourvu, sauf Jones, qu'il avait prévu et la prédisait longue. Bien que devenu un ennemi, ce dernier s'efforça de rester en contact avec Freud, qui, à part quelques voyages de vacances, passa toute la guerre à Vienne. Il y parvint par l'intermédiaire de psychanalystes hollandais et du vieux gentleman américain James Putnam jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Freud n'accueillit pas du tout la guerre avec le mouvement d'horreur qu'on pourrait supposer chez un penseur individualiste de son espèce, naturellement méfiant à l'endroit des entraînements collectifs, sceptique quant au mobile réel des actes humains et attaché toute sa vie à l'intelligence comme à la seule sauvegarde contre le chaos des passions. Aujourd'hui, il paraîtra sans doute inconcevable qu'il n'eût pas été parmi les rares esprits, très rares en vérité, qui, dès l'ouverture des hostilités, appelèrent publiquement à protester contre le massacre. C'est un fait, pourtant, que, malgré la condition inférieure que lui faisait le racisme officiel de l'Autriche, malgré son humeur pacifique et son horreur de la brutalité, Freud réagit d'abord à la déclaration de guerre, non pas par le chagrin ou l'inquiétude, mais par l'élan presque joyeux du patriote. Comme des millions d'hommes dans tous les pays de l'Europe, il ne croit pas à la durée de la guerre et se sent solidaire du destin de son pays. Ainsi, il approuve les diverses déclarations de guerre de l'Allemagne et, s'il faut en croire Jones, affirme avoir fait don de toute sa libido à l'Autriche-Hongrie. De tels sentiments n'étaient pas exceptionnels parmi les Juifs d'Allemagne et d'Europe centrale qui, écartés de toute vie nationale par leur statut particulier, tenaient d'autant plus à la langue et à la culture allemande qu'elles étaient leurs seules attaches, les seules choses qui pussent remplacer tant bien que mal pour eux l'appartenance à une nation. Dans la lutte des minorités contre la double monarchie, leur choix allait instinctivement au pouvoir central qui, malgré ses impéries et ses absurdités, représentait la culture la plus évoluée et même une forme de libéralisme. Et puis, ces minorités qui luttaient pour leur indépendance étaient elles-mêmes animées d'un antisémitisme farouche, auprès de quoi celui des Allemands et des Autrichiens paraissait alors presque rassurant. En 1914, les Juifs allemands, autrichiens ou hongrois allèrent se battre avec la croyance naïve de retrouver ou de gagner une patrie. La même croyance qui faisait dire à Freud que, pour la première fois depuis 30 ans, il se sentait vraiment autrichien. Freud, il est vrai, ne tarda pas à se ressaisir. Mais bon nombre de ses congénères gardèrent jusqu'au bout une foi patriotique intacte. On sait ce que, 25 ans plus tard, il advint des survivants. Le fils aîné de Freud, Martin, s'engagea dès la deuxième semaine de guerre. Les deux autres, Oliver et Ernst, partirent également quelques temps après, ainsi qu'un de leurs cousins qui fut tué en 1917. En fait de collaborateur, Freud n'eut plus auprès de lui que Hans Sachs, qui était réformé, et Otto Rank, qui fut mobilisé un peu plus tard et envoyé à Cracovie, où il resta jusqu'à la fin des hostilités. Abraham était retourné en Allemagne. Ferenczi, qui était venu à Vienne pour faire avec Freud une psychanalyse didactique, fut appelé lui aussi sous les drapeaux et incorporé dans un régiment de hussards hongrois où il servit comme médecin-major. Cette circonstance lui permit de ravitailler Freud et sa famille aux dépens de l'armée quand la famine commença de menacer Vienne. Sentimentalement, c'est certain, Freud avait lié son sort à celui de l'Autriche-Hongrie. Les premiers désastres subis par son pays le désolent, les victoires de l'Allemagne tout à la fois le rassurent et l'inquiètent. À la fin de l'automne, ses lettres ne portent plus trace des sentiments confiants de l'été. L'une d'elles, adressée à une amie, l'écrivain Lou Andreas Salomé, trahit même ce pessimisme extrême qu'il n'exprime pas encore ouvertement, mais qui, après la guerre, installera au cœur de son œuvre la mort et la destruction. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre. Mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains ne retrouveront un monde heureux. Tout est trop horrible. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement. C'est pour cela que je n'ai jamais partagé votre joyeux optimisme. Voici ma secrète conclusion. Puisque nous ne pouvons considérer notre civilisation actuelle, la plus évoluée de toutes, que comme une gigantesque hypocrisie, il doit s'en suivre qu'organiquement, nous ne sommes pas faits pour elle. Il faut abdiquer. Et le grand inconnu, lui ou le grand Manitou dissimulé derrière le destin, renouvellera cette expérience avec une race différente. En contradiction avec cette sombre vision apocalyptique, Freud se remet au travail et sa dernière lettre de l'année, qu'il écrit à Jones, sans savoir si elle le joindra jamais, le montre préoccupé de la seule chose dont il se sent responsable, l'avenir de la cause. Je ne m'illusionne pas sur le fait que la floraison de notre science s'est trouvée brusquement interrompue, que nous aurons des jours difficiles à vivre et que la seule chose à faire est de maintenir une petite flamme dans nos foyers jusqu'au moment où un souffle permettra de la ranimer. Ce que Jung et Adler ont laissé subsister de notre mouvement a été détruit par le conflit des nations. Notre organisation, qui se dit internationale, n'est pas plus capable que les autres de garder des contacts. Nos périodiques semblent agoniser. Peut-être réussirons-nous à maintenir le Yarbourg en vie. Tout ce que nous avons tenté de cultiver, de soigner, nous voilà maintenant contraints de le laisser devenir un culte. Naturellement, je ne me préoccupe pas du sort ultime d'une cause qui vous inspire tant de touchants dévouements, mais le proche avenir qui seul peut m'intéresser m'apparaît désespérément sombre. Naturellement, la clientèle de Freud était elle aussi dispersée, de sorte qu'il avait enfin tout le temps de se consacrer à ses travaux. Voilà, disait-il, comment nos désirs finissent par se réaliser. Grâce à cette liberté tout à la fois indésirable et souhaitée, l'année 1915 fut l'une des plus productives de la deuxième période de son œuvre, qui s'achève à peu près en 1919. Croyant n'avoir plus que peu de temps à vivre, il se voyait mourir en 1918, en vertu du calcul superstitieux sans cesse remanié depuis l'époque de Fliess. Freud entreprit une tâche à laquelle il pensait depuis longtemps, mais qui, on ne sait pourquoi, le faisait toujours reculer, l'établissement d'une synthèse générale de ses conceptions psychologiques, ou, comme il disait, de sa métapsychologie. Il concevait ce travail sous la forme de 12 essais qu'il réunirait en volume après la guerre et qui, s'il venait à disparaître, représenterait en quelque sorte la somme de ses idées. Malheureusement, pour la commodité de ceux qui vinrent après lui, cette somme ne fut pas achevée. Elle se réduisit à 5 études. Les pulsions et leur destin, le refoulement, l'inconscient, complément métapsychologique à la doctrine des rêves, et deuil et mélancolie, dont la portée générale est telle qu'elles font regretter celles qui eussent dû les suivre. On ne sait si les 7 essais manquants ont été écrits, si Freud a renoncé à les publier, s'il les a perdus ou volontairement détruits. Jones penche vers cette dernière hypothèse, supposant que de nouvelles idées avaient rendu ses travaux caducs avant même qu'ils fussent achevés. Chose surprenante, bien que les membres du comité eussent été au courant du projet de Freud, aucun, après la guerre, ne songea à l'interroger sur le sort de ses essais. Les désastres militaires des années suivantes assombrirent de plus en plus la vie de Freud, qui, outre les difficultés matérielles croissantes, et ses inquiétudes de chaque instant au sujet de ses fils, se voyait séparé de ses collaborateurs immédiats et sans moyen d'action pour préparer une renaissance du mouvement après la fin de la tourmente. La psychanalyse ne vivait plus que par ses revues. Encore celle-ci était-elle gravement menacée. Le Yarbourg, naguère le fief de Jung, cessa bientôt de paraître. Imago continua grâce aux efforts désespérés de Sachs et de Rank, mais quand celui-ci fut mobilisé, la revue dut être éditée à Cracovie, au milieu de quelles difficultés. Quant à la revue internationale, elle n'avait plus d'international que le nom, et sur une proposition de Ferenczi, elle faillit perdre jusqu'à ce dernier vestige de son passé. Jones, toutefois, s'opposa à ce qu'on changeât le titre du périodique, de sorte que le mot « international » resta sur la couverture avec le nom des deux codirecteurs ennemis. En 1916, les restrictions alimentaires et la fermeture des frontières isolent complètement Freud, qui ne peut quitter Vienne que pour les semaines traditionnelles de vacances. Il n'a plus du tout de malade et presque plus d'argent. Ce sont ses soucis matériels qui lui font regretter le prix Nobel pour lequel il avait été proposé en 1915 et qu'il n'eut ni l'année suivante ni après. La situation générale commence à devenir inquiétante et l'activité de Freud s'en ressent. Il n'écrit rien de nouveau, mais prépare la série de conférences qu'il se propose de faire au cours de l'hiver 1916-1917 et qui paraîtront sous le titre « Leçons d'introduction à la psychanalyse ». Écrites sur un ton familier, ces leçons, très claires et très complètes, mettaient les principaux aspects de la théorie psychanalytique à la portée du grand public. Elles contribuèrent certainement beaucoup à l'essor inattendu que connut le mouvement dès 1918. 1917 est une année terrible. Les denrées manquent, la sous-alimentation et l'absence complète de chauffage rendent tout travail impossible. Freud souffre tellement du froid qu'il ne peut plus tenir une plume. Mais, chose curieuse, il affirme qu'il se trouve malgré tout fort bien et nullement abattu par les souffrances physiques. Il se plaint surtout d'être obligé de se passer de tabac, ce qui, dit-il avec une mauvaise foi touchante, aggrave la douloureuse enflure qu'il a au palais. Cette enflure était pourtant fort suspecte. Il est probable qu'elle annonçait le cancer de la mâchoire qui se déclara 6 ans après. Au milieu des déceptions de toutes sortes et de la désagrégation de l'Autriche, Freud eut la joie de recevoir 3 nouvelles recrues importantes, dont l'une, le professeur Pützel, défendit la psychanalyse dans un cours officiel à l'université. Les 2 autres étaient Georg Grodeck, un médecin génial à qui sa personnalité et ses talents d'écrivain font une place à part dans le mouvement psychanalytique. L'autre, Anton von Freund, un riche brasseur de Budapest qui vint à Vienne se faire soigner par Freud et devint le premier mécène de la psychanalyse. Les derniers mois de la guerre ne firent qu'empirer la situation morale et matérielle à Vienne. L'incertitude politique, les privations chaque jour plus dures, le sort de son fils aîné, dont il n'avait aucune nouvelle, tout cela ôta à Freud l'espoir et le courage de lutter. Au point qu'il attendait la mort avec résignation et lui-même souhaitait, si la pensée du chagrin de sa mère, qui avait alors 83 ans, ne l'eût secrètement retenu. 2 choses, toutefois, vinrent brusquement changer cette atmosphère lourde de tristesse. La riche donation que fit Anton von Freund à la Société de psychanalyse pour qu'elle créât sa propre maison d'édition, ce qui réalisait un vieux rêve de Freud, lassé de la tyrannie de son éditeur. Puis, la possibilité imprévue d'organiser un congrès international sans attendre l'armistice. Ce congrès, le 5e, eut lieu, effectivement, les 28 et 29 septembre 1918, à Budapest, ville qui semblait appelée à remplacer Vienne comme futur centre de la vie psychanalytique. Le 5e congrès, qui ne fut international que de façon symbolique puisque la guerre n'était pas finie, eut cette particularité que pour la première fois, on y vit des représentants officiels des gouvernements allemands, autrichiens et hongrois, chose vraiment inouïe dans les annales de la psychanalyse et inattendue en ce moment troublé. Cette consécration s'expliquait par l'extrême importance que prenaient pour les autorités militaires les névroses de guerre, un phénomène morbide qui échappait à la compréhension des médecins et que la psychanalyse avait élucidé avec beaucoup de succès. Les résultats obtenus par Abraham, Ferenczi, Eichingen impressionnèrent tellement les médecins militaires que ceux-ci proposèrent de créer des cliniques psychanalytiques dans divers centres de traitement. La première de ces cliniques devait être ouverte à Budapest, mais bien entendu, tout le projet sombra dans la défaite. Freud fut vraiment réchauffé par le succès du congrès. L'enthousiasme des participants, l'accueil somptueux de la municipalité de Budapest, l'intérêt chaleureux des étudiants, dont un millier adressa une pétition au recteur de l'université en lui demandant d'inviter Ferenczi à faire des cours sur la psychanalyse. Cette vogue subite de la science maudite était évidemment encourageante et bien que pratiquement l'effondrement de la monarchie austro-hongroise y mit fin, elle fut assez profonde pour donner un élan nouveau au mouvement. Entre-temps, Freud a perdu son demi-frère Emmanuel, puis son neveu, le fils unique de sa sœur préférée. Il a appris aussi la mort de James Putnam, à qui le liait une grande affection, et voit ses amis sortir de la guerre, les uns malades, comme Hans Sachs, qui a contracté une tuberculose, les autres, comme Rank et Ferenczi, gravement menacés dans leur santé psychique. Au moment où l'empire austro-hongrois s'effondre, les inquiétudes qu'il ressent pour l'avenir sont peut-être mêlées d'une tristesse qu'il n'ose pas s'avouer. Durant ces 4 années, en effet, sa clairvoyance a été souvent en défaut. Il s'est trompé dans ses prévisions comme dans ses sentiments, et il est trop honnête pour n'en pas convenir. Il en convient, sans toutefois se réjouir de la victoire des Alliés. Cher Jones, je reconnais que toutes vos prédictions sur la guerre et ses conséquences se sont réalisées. Mais je serais désolé que nous ne puissions nous rencontrer avant le mois de juin. Je n'ai reçu, durant ces 2 années, aucune nouvelle d'Amérique, et la perte de notre cher vieux Putnam m'a été très pénible. Il a été un pilier de la psychanalyse dans son pays et s'est conduit envers moi avec la plus grande courtoisie et la plus grande élégance, à l'inverse du fantasque et peu sûr Stanley Hall. J'ignorais ce qu'était devenu notre mouvement au-delà de la Grande Mare, et si la psychanalyse n'avait pas été détrônée par l'adlérisme ou une autre invention, aussi votre rapport favorable m'a-t-il apporté quelques consolations. Ces derniers mois sont pires que ce que j'ai eu à endurer pendant la guerre. Mon fils aîné est toujours prisonnier en Italie. Notre santé, notre poids, s'en ressentent. Et je puis vous assurer que nous ne sommes pas ici les seuls dans ce cas. L'avenir nous paraît sombre. Je suis prêt à confesser que le sort ne s'est pas montré injuste et qu'une victoire allemande aurait sans doute asséné un coup plus dur encore aux intérêts de l'humanité en général, mais on ne ressent aucun soulagement à donner sa sympathie à la partie gagnante quand votre bien-être a été misé sur la partie perdue. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, 2e série, la révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, 25e émission, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Les années de guerre. Prise de son Pierre Simon, collaboration technique Monique Germain, assistante Marie-André Arminot. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 8 et 15 juin 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.